Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je cherche un beau cadeau pour ma femme et moi. Eh bien, je vous propose deux formules carrées 4G de SFR. Ah mais vous me gâtez. Mais c'est pas fini. Avec vos deux forfaits 4G, on vous offre la box de SFR. Attendez, vous voulez dire que tous les mois je ne paierai plus mon abonnement à la box, mademoiselle? C'est ça, tant que vous gardez vos deux forfaits 4G. Ah oui mince, il faut que je reste avec ma femme. À Noël avec SFR, offrez plus que la 4G. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 22 décembre 2013, sous réserve d'éligibilité. Remise de 29,99€ par mois. Détails sur sfr.fr. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comme promis, vendredi depuis Lyon, Franck Ferrand ouvre l'émission d'aujourd'hui par un point d'histoire sur Nelson Mandela. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On a vraiment beaucoup parlé depuis trois jours de Nelson Mandela, alors je ne vais pas accabler nos auditeurs par des mémorabilia. Il me semble quand même qu'il faut retenir de lui une notion, c'est celle d'Ubuntu, qu'il essayait d'incarner, cette philosophie, vous savez, d'humanité, de partage, philosophie un peu holiste, comme le pensent les Zoulous, une personne n'en est une en relation avec les autres. Alors on a beaucoup rappelé que Mandela avait passé plus d'un quart de siècle en prison, sans toujours souligner qu'officiellement c'était pour son rôle dans la fondation de la branche militaire de l'ANC, le mouvement anti-apartheid. Enfin, je regardais la télévision hier soir et plusieurs chaînes l'ont souligné néanmoins. Il avait été libéré en 1990 et s'était rallié à une démarche pacifique, priant ses partisans, je le cite, de jeter à la mer leurs fusils, leurs couteaux et leurs machettes. Ce sera, vous le savez, les accords, en tout cas c'est le préambule aux accords Mandela de Klerk qui vaudront aux deux hommes le prix Nobel de la paix. Madiba, c'est son nom clanique, celui de ses ancêtres, a été président de la République sud-africaine de 94 à 99. Il avait donc, et c'est intéressant, accepté d'incarner le pouvoir, contrairement à Gandhi, dit qui, vous le savez, était son grand modèle. Et aujourd'hui, vous nous parlez de ceux qui ne croient en rien ni personne. Oui, en tout cas pas en Dieu. J'ai été très intéressé par le nouveau numéro du magazine Clé et par ce dossier sur l'athéisme. On y apprend notamment que 67% des Français actuellement n'ont pas la foi, c'est-à-dire une immense majorité des Français. Alors, nous qui parlons, je le disais tout à l'heure à Wendy, régulièrement de l'histoire des religions, ça fait partie intégrante évidemment de l'histoire, il m'a paru important de jeter un regard le plus historique possible sur ce phénomène de la non-croyance. Et pour le faire, j'ai invité le directeur du magazine, Jean-Louis Servan-Schreiber, ainsi que le philosophe André Comte-Sponville, qui lui-même s'est défini comme un athéiste, comme un athée fidèle. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Gauthier, qui voulait connaître l'origine de l'expression « à tire-larigot ». Eh bien, avec plaisir, Gauthier. Pour le moment, je vous propose donc de faire mieux connaissance avec le plus aimable des grands sceptique, Monsieur Michel de Montaigne. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour commencer cette émission et cette semaine par la même occasion, je vous propose de nous rendre aux confins du Périgord, bien à l'est de Bordeaux, sur la route de Libourne à Bergerac. C'est là que se trouve, à Saint-Michel-de-Montaigne, le domaine où a vécu ce grand penseur de la Renaissance, l'auteur des essais. On a tous étudié des pages des essais à l'école. D'ailleurs, c'est un ouvrage qu'on ne relira jamais assez. Et entre parenthèses, on a trop tendance à le lire par extrait, me semble-t-il. Michel de Montaigne, donc. Ceux qui ont vu le numéro de l'Ombre d'un doute consacré au Bordelais s'en souviennent peut-être. Imaginez une maison forte. Alors, maison entièrement reconstruite à la belle époque, après un incendie. Elle a été reconstruite, certes, dans un goût néo-renaissance, mais elle fait quand même nettement plus 1890 que 1590. On peut dire que dans cette maison reste tout de même un certain nombre de vestiges, notamment cette tour épargnée par le sinistre, et heureusement, car c'est la tour de la librairie, nous dirions-nous, de la bibliothèque du grand homme, là où il a écrit justement ses essais. En tout cas, c'était là qu'il s'installait à la belle saison, parce que cette grande pièce, décorée de ses poutres pleines de devises antiques, hein, tout à fait extraordinaires, cette grande pièce n'est pas chauffée. Donc il avait tendance pendant l'hiver à s'installer dans la pièce adjacente. C'est ici aussi que Montaigne a reçu Henri de Navarre, le futur Henri IV. Ça, c'est ce dont je parlais dans cette fameuse émission émission à la télévision, et c'est ici qu'il est mort. Montaigne était né en 1533, dans un château qui ne portera son nom que par la suite. On est à Yquem, hein, pour le moment, sur la commune donc de Saint-Michel en Dordogne. Le château date du 15e siècle. Il avait été acquis en 1477 par l'arrière-grand-père de Montaigne, Ramon Yquem, un bordelais qui accédait au statut de seigneur de Montaigne et qui d'ailleurs devait transmettre à ses enfants et petits-enfants le domaine, le nom, etc. Le père de Michel s'installe donc là avec sa famille. Ce père de Michel de Montaigne est un personnage que nous connaissons par l'intermédiaire, parce que nous en a dit son fils, évidemment. C'est le pur produit de ces grandes lignées bordelaises du négoce, vous savez. Et il va venir, fortune faite, s'installer loin du port et de la ville, donc dans cette maison forte, pour y vivre en gentilhomme. Et c'est là que Montaigne reçoit, vous savez, cette fameuse instruction qui aujourd'hui encore sert un peu de modèle à toutes sortes de méthodes. Voilà ce que dit Montaigne à propos de son père. « Il voulait me former à une vie frugale et austère. Son but était de me rallier le peuple, et cette condition d'homme qui a besoin de notre aide, il estimait que je fusse tenu de regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos. » Une éducation assez exemplaire dans son genre. On raconte que Montaigne était réveillé tous les matins au son d'un instrument. Il passera très naturellement, si l'on peut dire, de sa nourrice à son précepteur, un Allemand, Orstanus, qui va lui enseigner essentiellement les humanités. Ce précepteur allemand, je le précise, ne lui parle qu'en latin. Montaigne nous dit « J'avais plus de 6 ans que je ne comprenais pas encore plus de français ou de périgourdin que d'arabe. » À l'époque, chez les Montaigne, on parlait en latin au moins aux enfants. Il va devoir se mettre néanmoins au français, puisque de 7 à 13 ans, il est au collège de Guyenne, à Bordeaux, très grand établissement. Ensuite, il sera à la faculté des arts avant d'apprendre le droit à Toulouse. Il sort de ce cursus conseiller à la cour des aides de Périgueux. Il a à ce moment-là 21 ans. Et 3 ans plus tard, en 1557, il est nommé conseiller au Parlement de Bordeaux. Donc, vous voyez, ce genre de grande famille de notabilité locale. Là, rencontre de la vie de Montaigne, vous le savez, la rencontre avec Étienne de la Boétie va se faire à ce moment-là. Étienne de la Boétie est magistrat au Parlement de Bordeaux, mais surtout à ses heures perdues, et elles sont nombreuses, il est poète. Il a composé dès l'âge de 16 ans un traité de la servitude volontaire, que l'on lit assez peu de nos jours. Montaigne, à l'époque de leur rencontre, a 25 ans, la Boétie en a 28, et c'est le début de cette amitié extraordinaire, de cette amitié indéfectible. Ils partagent la même affinité pour la culture antique, pour le raisonnement juridique, pour le bien public, pour l'amour de la vertu et, disons-le, de la vie. Étienne, hélas, va mourir à 32 ans dans les bras de son ami. On connaît bien les phrases de Montaigne sur la mort de son ami. « Il n'est action ou pensée où il ne me manque », écrira-t-il. « J'étais déjà si formé et habitué à être deuxième partout qu'il me semble n'exister plus qu'à demi. » Étienne a légué à Michel la totalité de ses livres, tous ses papiers. D'ailleurs, Montaigne fera publier ses œuvres. Et vous connaissez les phrases qui vont suivre. Elles comptent parmi les plus célèbres de notre littérature. « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Nous nous cherchions avant que de nous être vus, nous nous embrassions par nos noms, et à notre première rencontre qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. » Nous écoutions un extrait d'Albinoni de l'Adagio d'Albinoni sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferrand, de Montaigne. Alors Montaigne, je vous l'ai dit, a été très marqué par la mort de son ami La Boétie. Et il va être aussi très marqué en 1568 par celle de son père. Et c'est le moment où il choisit de se retirer du monde. Vous savez, ça fait penser dans d'un autre registre à ce qui s'est passé avec Saint-Simon ou avec Proust. Ces personnes qui sont complètement dans le monde, qui font partie du monde et qui d'un seul coup décident de se mettre en retrait et d'écrire simplement ce que va faire Montaigne. Il se retire dans son château en 1569. Il publie d'ailleurs très vite une traduction de la théologie naturelle de Raymond. Ce bon, ça c'est très important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, on va y revenir tout à l'heure. Alors, il a sa chambre à part, il dort seul, hein, il faut dire. Montaigne s'est marié en 1565 avec Françoise de la Chassagne, mais on peut pas dire que ce soit un grand amour. Ils font chambre à part, ce qui ne les empêchera pas d'avoir 6 enfants, dont 5 mourront en bas âge. Montaigne parle d'une chambre et sa suite où je me couche souvent pour être seul. C'est un homme qui a besoin de solitude et de méditation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il fait bâtir en 1571, donc 3 ans après s'être retiré, cette fameuse tour au deuxième étage de laquelle on trouve, éclairée par 3 fenêtres, la fameuse librairie et puis le cabinet de travail attenant dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut imaginer cette pièce ronde, magnifique, sur la muraille sont peintes les armes et le collier de Saint-Michel en jaune et en noir. Et puis, partout ailleurs, sur 5 rangées d'étagères, les livres reliés en velin blanc. « Je passe là la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour », écrit Montaigne. « Je n'y suis jamais la nuit. La figure en est ronde et n'a de plat que ce qu'il faut à ma table et à mon siège. Et vient m'offrant en se courbant d'une vue tous mes livres rangés sur des pupitres à 5 degrés tout à l'environ. Elle a 3 vues de riches et libre prospect et 16 pas de vide en diamètre. » C'est dans cette tour qu'ont été écrits les essais à partir de 1572 et quasiment jusqu'à la mort de l'auteur. Alors, ce livre, c'est d'abord l'ouvrage d'un grand lecteur, bien entendu. C'est le fruit de cette retraite intellectuelle dont je vous parlais, hein, à partir des années 1569-70. Et puis, c'est évidemment un grand livre de réflexion qui se veut aussi livre d'histoire. Montaigne écrit dans les essais: l'histoire est dure à écrire et surtout l'histoire contemporaine. D'ailleurs, en fait d'ouvrage, j'ai l'haleine courte et une narration étendue n'est point mon fait. J'aime mieux me faire historien au petit pied. Je me retire et me renfonce en moi-même. Je raconte mes pensées, mes sentiments, devisant sur l'homme qui est un sujet ondoyant et divers. Voilà l'histoire telle que je me la suis faite, taillée à ma mesure, n'ayant ni chronologie, ni date, ni partie. Une première édition des essais paraîtra en 1580. C'est l'époque, d'ailleurs, le roi va connaître les essais puisque Montaigne fait le voyage jusqu'à Paris. Il est resté en lien néanmoins avec Bordeaux, nous allons y venir dans un instant, et puis bien sûr avec la cour de France. Alors, nous venons peut-être à la grande question. Je vois qu'il est déjà 14h19 et même passé. Il faut venir à la grande question qui aujourd'hui nous occupe. Montaigne était-il athée? Évidemment, il serait assez présomptueux d'en juger en présence d'André Comte Sponville, dont la vie en la matière fait autorité. Et le mieux, ça va être évidemment de lui poser la question dans un instant. Mais tout de même, pour poser les choses, permettez-moi d'ouvrir quelques pistes. Montaigne se montre d'abord critique envers l'usage de Dieu pour expliquer les événements particuliers de notre réalité, ce sont ses propres termes. Et plus encore, critique à l'encontre de ceux qui ont la prétention de connaître la nature de Dieu. Et puis quoi encore ? demande Montaigne. Il est méfiant aussi à l'égard des miracles et des superstitions, je le cite. Il est vraisemblable que le principal crédit des miracles, des visions, des enchantements et de tels effets extraordinaires viennent de la puissance de l'imagination agissant principalement contre les âmes du vulgaire plus molle. On leur a si fort saisi la créance qu'ils pensent voir ce qu'ils ne voient pas. Imaginez la dureté, le caractère extrêmement ferme d'un tel point de vue. Dans son chapitre des prières, on est encore dans un livre des essais, il écrit: je propose des fantaisies informes et irrésolues, comme font ceux qui publient des questions douteuses à débattre aux écoles, non pour établir la vérité, mais pour la chercher, et les soumets au jugement de ceux qui, de ceux à qui il touche de régler non seulement mes actions et mes écrits, mais encore mes pensées. Également m'en sera acceptable et utile la condamnation, comme l'approbation, tenant pour absurde et impie si rien se rencontre ignoramment ou advertemment couché en cette rhapsodie contraire aux saintes résolutions et prescriptions de l'Église catholique, apostolique et romaine, en laquelle je meurs, dans laquelle je suis né. Et il ajoute « Ce que je tiens aujourd'hui et ce que je crois, je le tiens et le crois de toute ma croyance. Tous mes outils et tous mes ressorts empoignent cette opinion et m'en répondent sur tout ce qu'ils peuvent. Je ne saurais embrasser aucune vérité, ni conserver avec plus d'assurance que je fais cette-ci. J'y suis tout entier, j'y suis vraiment. » Mais ne m'est-il pas advenu, non une fois, mais cent, mais mille, et tous les jours, d'avoir embrassé quelque autre chose à tous ces, donc avec, si l'on veut dire, ces mêmes instruments, en cette même condition que depuis j'ai jugé fausse. Alors, athée Montaigne, André Mauroy disait « De nom et de baptême, il est chrétien. Il va à la messe pour suivre la coutume, mais le christianisme ne joue aucun rôle dans sa vie intérieure. S'il a en lui laissé des traces, ce sont des habitudes, de gestes et de langage. Montaigne n'est pas plus chrétien que Voltaire, il l'est même beaucoup moins que Gide. » Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Montaigne. Oui, alors avant de passer la parole à nos invités, je veux juste préciser que Montaigne, pour s'être retiré du monde, n'en était pas pour autant un ermite. Hein. Et je vous ai dit qu'il était allé à Paris en 1581. Il voyage également en Allemagne, en Italie, pour soigner sa maladie de la pierre. Vous savez qu'il avait des maux de vessie absolument épouvantables. Le voyage, selon Montaigne, c'est d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire. Hein. On peut dire que c'est un voyage de nonchalance et de priorité donnée à tous les détours et à toutes les rencontres, ce qui pour lui est toujours tout à fait essentiel. Et c'est du reste à Luc, en Italie, qu'il apprend son élection à la mairie de Bordeaux. Il n'avait pas du tout demandé à être maire de Bordeaux, et d'ailleurs il en est bien embarrassé, mais il va néanmoins accomplir son mandat de 1581 à 1585. 1585, c'est la grande peste de Bordeaux, vous savez. Là, Montaigne va fuir la peste, hein, il va fuir la région, il va errer pendant 6 mois au hasard des domaines de ses amis, jusqu'à revenir chez lui en 1587, et il trouve le domaine de Montaigne complètement dévasté en mars 1587. L'année suivante, il fait encore le voyage de Paris pour y faire éditer, pour s'y faire imprimer, comme je devrais dire, et c'est là qu'il est arrêté en mai 1588 par les autorités de la Ligue. On est à l'époque où Henri de Guise se croit déjà le roi de France, hein, et en tout cas il est déjà le roi de Paris. C'est la reine mère Catherine de Médicis qui va faire libérer Montaigne. Et à ce moment-là se produit la deuxième, mais très tardive, rencontre de sa vie. C'est celle de Marie Le Jard, Marie Le Jard de Gournay. On est en 1588. Celle qu'il va appeler la fille d'alliance. Elle lui vouera une fidèle, fervente admiration. Et Montaigne va mourir dans son château le 13 septembre 1592. Nous disent les chroniqueurs, en bon chrétien. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire de Montaigne qu'il était bon chrétien ? On l'a dit, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il était athée. En tout cas, lui ne l'a jamais dit. Vous savez, il écrit dans les essais « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands ». Comme le remarque un commentateur... Presque par hasard, en quelque sorte. Oui, voilà, comme le remarque Marcel Conche, dès lors qu'il est incontestablement périgourdin, il était tout aussi incontestablement chrétien, mais chrétien par le hasard de la naissance. Autrement dit, c'est un chrétien non dogmatique. Donc, il va à la messe, mais il reconnaît évidemment ne pas savoir si Dieu existe ou non. Il n'est ni athée, ni vraiment fervent, mais il vit comme un chrétien, parce que dans le Périgord, on vit comme ça. Alors nous allons revenir évidemment sur la question dans un instant en compagnie de Jean-Louis Servan-Schreiber. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Je suis l'homme, l'animal intelligent, moi qui ne vis guère d'un siècle ou deux, un soir de misère j'ai inventé Dieu, j'ai inventé l'âme et le paradis. Les anges et le diable et le Saint-Esprit, et ce Dieu suprême, j'ai qu'à le siffler, et tous mes problèmes sont bientôt réglés. Mes péchés mortels et mes infamies, c'est Dieu qui les paye. Je suis un génie, je suis l'homme, l'animal. Michel Fugain sur Europe 1 avec le Big Bazar. On écoute un extrait de L'Homme. Vous nous parlez de l'athéisme aujourd'hui, Franck Ferrand, avec vos invités Jean-Louis Servan-Schreiber, directeur du magazine Clé, et André Comte-Peuville, philosophe, auteur de L'Esprit de l'athéisme aux éditions Albin Michel, sorti en 2006. Alors bonjour messieurs, j'ai déjà parlé à André Comte-Sponville, micro ouvert. Bonjour Jean-Louis Servan-Schreiber. Je dois vous dire, et ça n'est pas pour vous flatter, que j'aime beaucoup cette revue Clé, qui est comme elle l'annonce d'ailleurs dès c'est un magazine, et vous insistez sur ce terme, on voit en couverture, on va dire les deux objectifs que vous vous êtes fixés, trouver du sens et retrouver du temps. Et c'est vrai que vous prenez le temps d'analyser le monde, de poser un certain nombre de questions que notre époque pressée a finalement pris l'habitude de ne plus tellement se poser. Oui, c'est une fonction qui d'ailleurs se caractérise par le fait que ce magazine sort tous les deux mois. Mm-hmm. Parce que Lui-même prend son temps. Je me suis rendu compte, je navigue dans ce métier depuis un demi-siècle, et les gens n'ont pas assez de temps pour lire. Il y a d'autres moyens de lire qui sont en concurrence. Et donc, si on veut être sous leurs yeux, il ne faut pas le faire trop souvent, mais il faut le faire bien. Il faut prendre le temps de bien écrire aussi, parce que ça fait partie des caractéristiques de cette revue, de ce magazine, décidément, qui est très bien mis en page, qui est par ailleurs, on va dire, joliment édité, avec des textes de fond, dont l'interrogation d'André Comte-Sponville sur l'athéisme. Alors on va venir à ce sujet très intéressant, à cet athéisme, à ce dossier que vous avez intitulé « Par quoi remplacer Dieu ?» partant de ce constat, de ce sondage selon lequel 67% des Français n'ont pas la foi. Mais avant cela, j'aimerais que l'on revienne et que l'on close si possible la question de Montaigne. Alors vous nous disiez, on ne peut pas dire de Montaigne qu'il est athée, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne pose pas un certain nombre de questions. André Comte-Sponville, on est en face de quelqu'un d'assez sceptique qui n'admet pas les vérités révélées telles quelles. Alors, on est en face de quelqu'un qui est absolument sceptique et donc qui montre en toute rigueur que la religion chrétienne, qui est de fait la sienne par le hasard de la naissance, est objectivement douteuse comme toutes les religions. Et donc, en quelque chose, il est sceptiquement chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il l'est mensongèrement. Non, il croit sans doute au Dieu des chrétiens, mais il reconnaît que cette foi est douteuse comme toutes les fois. Il faut ajouter que dans les essais, il n'est pratiquement jamais question ni des évangiles, ni de Jésus-Christ. Il est question 1000 fois de Socrate, 300 fois d'Épicure, jamais de Jésus-Christ. Et pourtant, les Écritures, on est à la fin du XVIe siècle, à une époque où c'est un des sujets principaux. Bien sûr, ça le paradoxe, si vous voulez. En revanche, les Écritures sont assez présentes, l'Ancien Testament, mais c'est presque toujours l'Ecclésia, c'est-à-dire le livre le moins religieux de tout l'Ancien Testament. Et donc voilà, la question reste en partie ouverte de ce que croyait Montaigne en son fort intérieur. Moi, ce que je crois, c'est qu'il a assumé l'histoire. Il n'aimait pas la nouveauté, comme il dit. Pourquoi il est resté catholique plutôt que protestant? Pourquoi changer? Il est né chrétien, il meurt chrétien, mais il sait que toute religion est douteuse. C'est pourquoi c'est avant tout un sceptique et un esprit libre. Un esprit libre qui s'autorisait le dialogue avec les protestants, précisément, puisque j'avais montré ça dans une émission récente, à quel point il avait joué un rôle essentiel de lien avec Henri de Navarre et avec ses protestants, tout en représentant, lui, bien sûr, le camp de la Reine-Mère et c'est un esprit le libre camp catholique. Et tolérant. Et voilà, puis, c'est exactement. Un immense génie. Ce qu'il faut dire en passant, les textes que vous avez bien lus montrent à la fois l'invraisemblable beauté de l'écriture, de la langue, mais aussi la subtilité, la profondeur de la pensée. Montaigne est à la fois l'un des plus grands écrivains français, l'un des plus grands philosophes français, et le fait qu'ils soient les deux à la fois dit assez sa grandeur, qui est tout à fait exceptionnelle. Alors Montaigne, précisément, écrit Jean-Louis Servan-Schreiber à une époque où la religion est profondément contestée, hein, c'est l'époque de la réforme, de ce qu'on va donc appeler le protestantisme. Jusqu'à cette réforme protestante, on avait pu, dans le cadre de l'Église, et d'une façon déjà peut-être un peu plus libre, n'est peut-être pas le terme, mais avec une certaine aisance en tout cas, mettre en question un certain nombre de vérités, se poser des questions philosophiques. Il n'y avait pas de philosophie indépendante de la religion. Les philosophes de l'époque étaient à l'intérieur d'un système de pensée et philosophaient sur les bases de la religion catholique, la Bible essentiellement et l'Évangile. Et ce n'est que plus tard que commencera, c'est ça qui mène bien sûr à l'ère des Lumières, la capacité d'avoir ce que l'on appellera une libre pensée ou des esprits libres, comme le disait à l'instant André, bien sûr. Mais la réforme elle-même ne met en rien en cause la foi, et au contraire, elle est pour un retour au texte sacré et à une plus grande immédiateté avec la divinité. Et puis, la contre-réforme qui va lui succéder, on appelle ça maintenant la réforme catholique, va en rajouter, si je puis dire, dans l'observance, dans une forme de volonté de croire. Donc il n'y a quasiment plus aucun espace à partir du début du premier tiers du XVIIe siècle, il n'y a quasiment plus d'espace pour l'athéisme. Et pourtant, certains esprits vont se montrer récalcitrants. André Comte-Sponville. Oui, donc ça veut dire que Montaigne avait 4 siècles d'avance, en vérité. L'athéisme va commencer à apparaître au XVIIe, des XVIIIe siècles, autour... Les Lumières dont parlait Jean-Louis Serge Chabert. Autour du panthéisme de Spinoza, qui est à lui-même un problème, le curé Mélier, et puis au XVIIIe siècle, la maîtrise Diderot. Voilà. Pendant le XVIIIe siècle, l'athéisme apparaît en tant que tel. Constatons, mais là la revue le montre bien par le biais de sondages, constatons que cet athéisme n'a cessé de se développer depuis le XVIIIe siècle et qu'aujourd'hui, finalement, il y a autant d'athées que de croyants ou d'agnostiques, puisque c'est bien lu les sondages, au fond, on arrive vers une figure de 3/3. 1/3 des Français se disent croyants, ils ont une religion, 1/3 des Français, en gros, se dit athée, et il y a 1/3 qui est sans religion ou agnostique. C'est une nouveauté historique considérable, c'est l'un des phénomènes majeurs de notre temps. Alors, et à l'intérieur de ceux qui se disent croyants, ceux qui croient à un Dieu tel que le décrivait la religion catholique, c'est-à-dire le catéchisme de notre enfance, sont eux-mêmes, représentent seulement 17% de ceux qui croient. Oui, c'est donc très peu. Les autres ont une vision peut-être plus proche de celle de Spinoza, qui est d'évoquer la nature, une énergie, et donc le Dieu personnalisé avec une barbe et avec de la clémence ou au contraire de la fâcherie n'est plus du tout accepté. Alors on va venir dans un instant à notre époque, c'est le caractère un peu particulier de cette émission d'aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on parle d'aujourd'hui et même peut-être un peu de demain, si vous le voulez. Avant cela, pour en finir avec la dimension historique, pouvons-nous répondre à cette question de Lucille qui nous arrive par Twitter et qui nous demande si, en dehors des philosophes, parce qu'on vient de citer Diderot déjà, on a parlé de Spinoza, bien entendu, qui a des degrés divers et sous des formes divers, on posait la question de Dieu. Mais en dehors de ces penseurs, y a-t-il des personnages historiques qui soient connus pour leur athéisme? C'est une question bien compliquée, finalement. Écoutez, c'est vous, l'historien, ouais. Vous êtes mieux placé que moi pour répondre. Sincèrement, avant le XVIIIe siècle, aucun nom ne me vient. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Cela dit, si ça avait existé de façon importante, on le saurait, parce que les textes s'en feraient écho. D'ailleurs, Montaigne n'évoque aucun athée en tant que tel, si vous voulez. Non, je crois qu'effectivement, l'athéisme est une nouveauté historique, en gros, pour ce qui est de l'Occident. C'est plus compliqué en Orient, mais pour ce qui est de l'Occident, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que l'athéisme apparaisse en tant que tel. Avec la libre pensée. Il y avait des esprits libres, la preuve en est Montaigne, avant qu'il n'y ait des athées. Heureusement, toute pensée religieuse n'est pas une pensée obscurantiste ou soumise. Il ne faut pas confondre l'athéisme et la liberté, et la liberté de l'esprit. Il y a des athées dogmatiques et il y a des croyants libres d'esprit, fort heureusement. Alors nous serons, je crois que c'est jeudi que nous serons en direct, enfin nous ferons l'émission à la Grande Loge de France, et nous verrons, parce que je suis en train de préparer cette émission, nous verrons que les francs-maçons eux-mêmes sont très loin, pour une immense majorité d'entre eux, d'être athées. Alors on a envie de dire, mais où faut-il aller chercher les athées? Eh bien tout simplement, répond Clé, dans la population française, 67% des gens n'ont pas la foi. Ça veut peut-être pas dire pour autant qu'ils soient athées, Jean-Louis Servan-Schreiber. Non, pas du tout. À l'intérieur de ça, il y a beaucoup d'agnostiques. Il y en a déjà 25% qui disent « je ne sais pas ». Et en fait, on se rend compte qu'il y a une grande partie de la population qui dit « je crois, mais je ne sais pas très bien à quoi ». Et c'est peut-être ça la nouveauté actuelle. Et la thèse de ce dossier que nous avons fait, c'est que Dieu s'est estompé, mais le besoin religieux n'a pas disparu pour autant. C'est ça. Vous posez la question, par quoi remplacer Dieu ? Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et c'est l'athéisme qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Jean-Louis Servan-Schreiber, directeur du magazine Clé, et André Comte-Sponville, philosophe, auteur de L'Esprit de l'athéisme aux éditions Albin Michel. Et auteur d'un dictionnaire philosophique qui paraît aux éditions PUF, qui est sorti là, il y a deux mois. Alors, je voulais vous demander, Jean-Louis Servan-Schreiber, s'il était possible peut-être de clarifier les termes. On parle d'athéisme, d'agnosticisme, de non-croyance. Que recouvre chacun de ces termes? Mais la non-croyance, c'est ce qu'il y a de plus couvrant, si je puis dire. Ça comprend l'ensemble. Et là, on retrouve à peu près les deux tiers des Français d'une manière ou d'une autre. Et à l'intérieur de ça, effectivement, il y a l'athéisme qui est une affirmation, qui représente d'ailleurs André Comte-Sponville ce soir, et qui dit « il n'y a pas de Dieu ». Et des gens qui disent « il n'y a pas de Dieu », il n'y en a que 25%, 23% en France. Donc à l'intérieur de ces non-croyants, l'athéisme, autant que l'on puisse se définir ainsi, représente 23% seulement de l'ensemble de la population. Mais c'est déjà beaucoup, parce que vous pouvez aller aux États-Unis, vous ne trouverez pas des pourcentages de cet ordre. Alors, ce qui est assez frappant, c'est l'évolution sociale également. C'est que, il y a encore une vingtaine d'années, près de 70% des Français se déclaraient catholiques. Alors là, on parle bien de culture catholique. Oui. On parle plus de foi, forcément. C'est aujourd'hui, ils ne sont plus que 56%. C'est tombé à 56%. Ce qui est une proportion, là aussi, particulièrement forte par rapport au reste des pays européens. Et la croyance est à son plus bas en France, avec peut-être la Tchéquie, pour des raisons qui leur sont propres. Mais alors, est-ce que ça, c'est la tradition de la Révolution française? En tout cas, il y a des raisons historiques, effectivement. De la Révolution française pour une de ces manifestations relativement récentes, ou tout simplement de cet esprit français que l'on trouve, qu'on pourrait trouver sans doute très très très très loin, non, j'irais presque peut-être jusqu'aux Gaulois. Moi, mais enfin, qui a mené peut-être à la Révolution française. Et voilà, c'est ça. dans la Révolution française serait une des manifestations. André Comte-Sponville. Oui, un mot sur ma position. Oui. Et moi, je me définis en trois mots comme athée, non dogmatique et fidèle. Expliquons rapidement chacun de ces trois mots. Athée, c'est le plus simple. Je ne crois en aucun dieu. Pourquoi athée, non dogmatique? Athée, non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Tout bêtement parce que personne ne sait si Dieu existe ou non. C'est une croyance en négatif. Savoir, c'est une croyance. Autrement dit, être athée, non dogmatique, c'est dire non pas je sais que Dieu n'existe pas, ce qui serait idiot, c'est dire je crois que Dieu n'existe pas. Donc c'est une affirmation. L'agnostique lui dit, ni je crois, ni je ne crois pas, je coche la case sans opinion, du grand sondage métaphysique sur la question de Dieu. Moi j'ai une opinion, voilà, mon opinion c'est que Dieu n'existe pas, mais c'est une opinion, ça n'est en rien un savoir. Enfin, pourquoi athée, non dogmatique et fidèle? Fidèle parce que tout athée que je sois, je reste évidemment attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées pour la plupart dans les grandes religions, spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique pour notre pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister. Autrement dit, ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais refuser de voir la grandeur humaine, morale, du message de Jésus-Christ, du message des évangiles. Donc, je n'ai aucune haine contre la religion, je ne suis pas anticlérical, mais effectivement athée, je crois que Dieu n'existe pas, non dogmatique, c'est une croyance, ce n'est pas un savoir, et fidèle, ça ne m'empêche pas au fond de respecter les mêmes valeurs que j'ai reçues, qu'on appelle les valeurs judéo-chrétiennes, mot qui dans mon adolescence était un reproche et dont, avec lequel j'ai appris à me réconcilier. Alors justement, vous venez de prononcer le terme anticlérical. Ça c'était la lutte, d'ailleurs historiquement bien ancrée dans le 19e, la fin du 19e et le début du 20e siècle, la lutte d'un certain nombre d'athées contre l'Église, au sens d'institution. Mais ça c'était encore à l'époque. Voilà, c'est ça. Vu le pouvoir exorbitant et l'aspect quand même très réactionnaire de l'Église de l'époque, il était légitime d'être anticlérical. Le philosophe Alain, que j'adore, l'était encore au début du 20e siècle. Aujourd'hui, être anticlérical, ça n'a plus de sens, non seulement parce que la religion est beaucoup moins forte, mais parce que l'Église a cessé d'être cette force violence monolithiquement autant, réactionnaire qu'elle était à l'époque. Pour autant, parmi les philosophes actuels, Michel Onfray est en réalité un athée anticlérical. Quand on lit son traité de l'athéisme, son athéisme en réalité est une charge contre l'Église. Et j'ai le sentiment que tout ça est lié à nos histoires personnelles. Je crois que dans notre enfance, de manière différente, André Comte-Sponville et moi-même, nous avons approché des religieux dans le cadre de l'enseignement, et qu'à ce moment-là, il y a deux réactions possibles, où on les rejette, où on assimile ce qui nous ont enseignés, qui sont des valeurs essentielles de cette civilisation. Et peut-être une des raisons pour lesquelles Dieu aujourd'hui n'est plus présent, c'est que les valeurs se sont implantées solidement et n'ont plus besoin de lui pour continuer. Alors nous parlions de ces trois grandes religions monothéistes qui ont un peu rigidifié la question religieuse au cours des deux et trois derniers millénaires. Il y a, bien entendu, il faudrait parler de toutes les religions qui, elles, sont polythéistes, hein, de toutes les religions dites païennes. Et puis, et ça me paraît intéressant, faire une place à part au bouddhisme, on pourrait presque dire au pluriel d'ailleurs, qui est une religion sans Dieu, en quelque sorte. Oui, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai demandé à Roger Paul Droit, qui en est un des bons spécialistes, d'expliquer en quoi cette religion se passe complètement de Dieu. Et ce qu'il dit tient en quelques mots très simples. Au départ, l'enseignement de Bouddha n'est pas la création d'une religion. C'est un enseignement de comportement dans l'existence et d'attitude à l'égard de la vie. Et puis, ça s'est propagé. Et inévitablement, les humains qui se sont emparés du bouddhisme en ont fait une religion avec des rites, avec des imageries, avec des paroles. Et petit à petit, ça a pris toutes les caractéristiques d'une religion, mais ça n'en était pas une. Son fondateur ne voulait pas en faire une religion. Ça montre bien à quel point la religion est un besoin. La pratique sociale finit par imposer des religions même là où elles n'existent avec pas. Avec ou sans Dieu. Avec ou sans Dieu. Oui, enfin, faudrait distinguer religion et spiritualité. Parce que le bouddhisme, et c'est vrai aussi du taoïsme et du confucianisme en Chine, ce sont d'immenses spiritualités, de même que les sagesses de la Grèce antique. Ce ne sont pas des religions. Si on entend par religion un certain nombre de dogmes et de croyances en un être transcendant, surnaturel, bref, en un Dieu. Et je crois qu'en vérité, l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la grande question, c'était s'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui nous reste comme morale? C'est la grande formule de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait bien que c'est faux, parce que même si Dieu n'existe pas, je ne me permets pas tout. J'ai aussi une morale, et chacun sait bien que les athées, aujourd'hui, ont une morale autant que les croyants, et le plus souvent d'ailleurs, la même, pour l'essentiel. La question aujourd'hui, c'est plus quelle morale pour ceux qui n'ont pas de religion, c'est quelle spiritualité pour ceux qui n'ont pas de religion. Et c'est pourquoi le bouddhisme, le taoïsme, bref, les spiritualités orientales, et aussi, encore une fois, les sagesses de la Grèce antique, redeviennent à la mode, comme on dit un peu sottement, parce que on y trouve justement l'existence de grandes spiritualités sans Dieu, sans dogme, sans rite. Et c'est ce qui se cherche, me semble-t-il, aujourd'hui d'essentiel. Avec une explosion des formes de spiritualité, il y en a une très grande quantité. C'est d'ailleurs ce qui rend cette époque que nous vivons passionnante, Jean-Louis Servan-Schreiber. Oui, d'autant plus que effectivement, comme vient de dire André, la spiritualité peut exister sans la présence de Dieu. Donc on se rend compte que les grands besoins humains, la religion apporte autre chose que la spiritualité. Elle apporte le fait d'être ensemble. La spiritualité est un besoin personnel qui peut se vivre dans la solitude, et beaucoup le font. Tandis que religion, ça veut dire, il y a la notion de lien dans l'origine du mot, et le fait de se retrouver avec d'autres, et le fait d'avoir des rituels ensemble, ce qui semble aussi correspondre à un besoin naturel de ces animaux sociaux que nous sommes. Merci beaucoup à tous les deux. Le magazine Clé est dans les kiosques pendant toute la période de ces fêtes de fin d'année. Et je rappelle le titre du dernier ouvrage publié par André Comte-Sponville. C'était le Dictionnaire philosophique aux presses universitaires de France. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et cet après-midi, vous répondez Franck Ferrand à la question de Gauthier qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission, qui voudrait savoir quelle explication peut être donnée à l'origine de l'expression « à tire-larigot ». Oui, alors je vais répondre à Gauthier puisque je n'ai pas pu vraiment répondre à Lucille. Hein, nous nous sommes posé la question des personnalités athées avant le XVIIIe siècle, en tout cas, parce qu'à partir du XVIIIe siècle, il y en aurait beaucoup. Je pense notamment à Frédéric le Grand, Frédéric de Prusse, dont on disait qu'il était athée. Mais c'est vrai qu'autrefois, c'est très difficile. Alors je pose la question à nos auditeurs très érudits. Peut-être auront-ils une réponse d'ici à demain. Pour ce qui est de Gauthier, alors ça c'est plus facile. L'idée de tire-larigot, c'est-à-dire en grande quantité, hein, une expression qui d'ailleurs à l'origine était associée au fait de boire. Et pour cause, tirer en ancien français, 14-15e siècle, c'est faire couler en fait. Hein, tirer du vin, tirer de l'eau, etc. Quant au larigot, ben, le larigot c'était une petite flûte. Oh, c'est une sorte de pipeau, hein, tout à fait rudimentaire. Et donc, vous allez me dire, pourquoi attire larigot? Bien parce que, autrefois, le terme flûter exprimait le fait de vider les verres les uns après les autres. Donc, vider, attire larigot, vous voyez, il s'est créé une sorte de sens, de congruence, en quelque sorte, entre ces deux termes, entre la flûte et le fait de soutirer du liquide. Et voilà, donc attire larigot, c'est faire couler en grande quantité, d'une certaine façon. Alors, certains affirment que l'expression viendrait d'ailleurs, qu'elle viendrait de Rouen, précisément, où la cloche de la cathédrale s'appelle la Rigaud, justement, du fait du nom de l'archevêque Eudrigo qui l'avait offerte au XIIIe siècle, qui était d'une taille démesurée. Par conséquent, elle était très difficile à tirer et donc il fallait tirer l'arigot, ce qui aurait été l'origine de l'expression. Vous me permettrez d'être pour le moins dubitatif à cet égard. Je suis comme Montaigne, très sceptique sur ce genre d'explication. Pour ce qui est de, par ailleurs, de nos propres rendez-vous, je me permets de vous rappeler qu'il est possible, depuis quelques jours, il vous est possible de désigner sur europe1.fr la personnalité de l'année parmi toute une liste de noms, hein, une liste très vaste. Il vous suffit donc d'aller sur notre site europe1.fr, de choisir votre personnalité préférée dans l'actualité de l'année et le nom de la personnalité choisie par les auditeurs sera révélé à 8h vendredi prochain dans Europe Matin. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Moi j'ai voté pour vous. Ça me paraît un très bon choix. Vous n'y étiez pas dans la liste, mais je l'ai créé. J'ai créé le nom Franck Ferrand. Bon, allez, je vous donne rendez-vous avec les experts dans quelques instants. Nous allons parler du carton du moment. Le carton du moment, c'est le do it yourself. C'est comme ça qu'on appelle en fait les loisirs créatifs, tout ce qu'on peut fabriquer soi-même. Alors, si vous en êtes, si vous faites partie des Français, un Français sur deux hein, s'y adonne aujourd'hui, contactez-nous au 3921 ou sur europe1.fr. Qu'aimeriez-vous ou qu'aimez-vous faire? On en parle avec vous et les experts. Merci beaucoup, Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline. Avec grand plaisir, Franck, à demain. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.